on te voit, on croit voir la sagesse. On suit tes pas, alors tu te baisses. Ta beauté nous aveugle, on n'ose pas t'approcher. À chacun son malheur, s'ils veulent pas t'aborder. Mais moi je sais que ce n'est qu'une apparence. Ton visage de poupée cache en fait une démence. Habillé de dentelle, tu fais rêver les hommes. Tes formes sont si belles, lorsque tu te donnes, tu es un ange en feu. Tes souvenirs en tête tu reviendras. Tes instants de délire, même lorsque tu seras.